Radio Contact. Feel good. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Radio Contact. Vous écoutez Radio Contact, il est 16h. Radio Contact. Mise à jour activée. Are you ready for this? Le 16h démarre maintenant sur Radio Contact. Qu'est-ce que ça fait du bien, sérieusement. Dernier jour de semaine, on est ravis d'être là, comme tous les jours en fin de compte. Hein. On vous ramène à la maison, c'est vrai que c'est passé vite cette semaine. Incroyable. Une semaine très merdique, hein, côté température. Ah, les températures sont assez beaucoup bonnes, mais beaucoup de pluie, il fait gris. Heureusement, Radio Contact est là pour vraiment vous mettre du soleil dans les oreilles et peut-être même un petit peu dans les yeux. Ouais, on vous expliquera ça. Non, Lucie, mais pas ça, on va perdre du soleil dans les trous de nez, excuse-moi. Dans les yeux, par contre. Bah oui. Tu peux mettre des lunettes de soleil. Non, c'est vrai, par contre, tu te mets pas comme ça pour avoir dehors. Oh, j'ai besoin de soleil dans les narines. J'ai bronzé les narines. Ouais, ça va pas bien. C'est... Bon, écoutez, on est avec vous jusqu'à 20h comme tous les jours. On va parler tout à l'heure de la première musique, partition musicale créée par ordinateur. Et vous dites, hein, mais ça a déjà été fait. Non, par une intelligence artificielle. On va l'écouter tout à l'heure. On verra également les meilleurs titres de Justin Bieber en version années 80. Ça. Très fort. Hein. C'est très très fort, on dirait un vrai. Non, je vous assure, c'est vraiment très drôle. En fait, tous les titres de Justin Bieber ont été créés dans les années 80, vous comprendrez pourquoi, tout à l'heure. On reviendra également sur l'actu télé. Et puis, grosse annonce à 18h, on peut déjà vous le dire, vous allez rejoindre l'équipe de Radio Contact et être payé pour ça. Oui, et d'ici 20h, David, gros cadeau, puisqu'on a des accès pour Tomorrowland. Ah oui, c'est vrai. À vous offrir, mais oui. Ah ouais, des accès pour Tomorrowland. Hein. Vous les avez rêvés, vous en avez voulu à la terre entière de ne pas les choper sur Internet. Et bien, Radio Contact l'a fait pour vous, les réseaux sociaux. Ouais, on a balancé une petite vidéo là sur Facebook, David Antoine, un jeu caché sur Facebook Messenger. Vous allez pouvoir jouer au foot et on vous explique comment. Donc rendez-vous sur Facebook, David Antoine, et partagez la vidéo. Évidemment. Ouais, là, si vous vous ennuyez sur Facebook, et bien allez faire un tour sur ma page, vous comprendrez. Un petit jeu gratuit, facile et qui paye pas de mille. Allez, voici mine. Voici Ellie Goulding, Something in the Way You Move sur Radio Contact. It's a strange feeling, feeling this way for you. There's something in the way you move. Something the way you move. With you I'm ever heating. It's heartache through and through. Something the way you move. I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, blood stain on my sleeve. When my eyes meet, I can only see the end. But tonight I'm here, yours again. Something in the way you move. dare you. Lego. Lego. Lego. Lego. All of my lines, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true, so dare on the dance floor. Lego. Lego. Of all the millions on the planet, you're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true, but they're on the dance floor. J'adore les Legos en plus. C'est ce qu'elle dit dans la chanson, ouais, non? C'est vrai, ouais. Je suis pas elle dit quoi? Let's go, ouais. Let's go? Ouais, à mon avis, c'est quelque chose comme mais ça. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils disent dans les chansons d'anglais. Non, mais c'est genre Lego, c'est un diminutif de Let's go, si tu veux. Ah, ok, ça va. Ah, monsieur, c'est un truc monsieur, en espagnol, anglais, ou ouais. Oh là là, une fois de plus. Hein. Bon, écoutez, si vous êtes dans la voiture aussi et que vous chantez dans, en règle générale à One Again, à One Again, One Again, One Again, eh ben écoutez, on est vraiment dans la même panade. Bien, hier, dans la mise à jour, on a découvert pourquoi les moustiques piquaient certains d'entre nous et pas d'autres. On a parlé d'une boisson magique pour bien dormir. Et puis, on s'est replongé dans notre enfance avec la série Sauvé par le gong. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Est-ce que vous vous souvenez de ceci? On s'en rend pour la qualité de son, mais... Sauvé par le gong, hein, une série qui a bien rythmé notre enfance, hein, c'est vrai. Hein. En mais tout cas, ouais, moi, je regardais à l'époque Kelly Kapowski et puis les autres, je m'en fous. Juste une petite parenthèse par rapport à ça, ces séries étaient quand même vachement gentilles. Tout était gentil, tout était mignon. C'était mignon. Et le pire truc qui pouvait se passer, c'était de ne pas trouver quelqu'un pour aller au bal de fin d'année. Ah, c'était la tragédie. On parle maintenant d'une boisson pour s'endormir. Est-ce que vous avez des problèmes pour vous endormir, pardon? Alors, justement, non, c'est plutôt. Pour réveiller. Par exemple, hier, j'ai pris une petite boisson énergisante pour bosser bien tard, mais donc du coup, j'avais pas besoin de boisson pour m'endormir. Non, d'accord, mais est-ce que la question était est-ce que tu t'endors facilement? Ah oui, oui. D'accord, ok, merci beaucoup. En tout cas, pour la réponse. Non, j'aime bien parce que est-ce que tu t'endors facilement? Non, non, non, parce que moi, tu vois, j'ai pris une boisson pour travailler un petit peu plus longtemps et tout, donc voilà, non, est-ce que tu t'endors facilement? Oui. Okay. Et toi, David? Moi, écoute, hier, catastrophe, je n'avais plus mes médicaments. Mais alors. Ah non, mais t'es sérieux? Le mec. Non, non, ce que c'est que je prends un truc pour les allergies. Okay. Et alors. Comme je n'avais plus le truc pour mes allergies, ça m'a stressé. Tu comprends? Au-delà de tous les antidépresseurs, bien évidemment. Sûr. Alors, Alors là, on a une boisson qui va te permettre de bien t'endormir, David. Ah, super! C'est l'eau de sommeil. Ça s'appelle la Glaso Sleep Water. C'est une potion magique signée Coca-Cola. ça vous est probablement déjà arrivé. Ouais. C'est quand tu es piqué, tu vois, l'entrejambe, quoi. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non. Jamais? Ça m'est jamais arrivé. Non. Quand t'es petit, tu vois, tu mets ton pyjama. Oui, non, mais j'avoue, ça m'est jamais arrivé. Ok, bon. Pourquoi? Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, le gros problème, c'est que tu te grattes sans cesse. Ouais. Et donc, t'as vraiment l'impression d'être un porc. Ah oui. Tu comprends? Ah non, je pensais. Donc, ça vous est jamais arrivé? Ah, c'était ça, c'était les moustiques alors. Très bonne blague de Lucille. Très, très bonne blague. Alors là, comme c'est une bonne blague de Lucille, elle mérite une gommette. Ah ouais, je la première gommette. Alors, si vous êtes sur Radio Contact Vision, on a mis un petit panneau, hein. Trois gommettes, il y a du cadeau. J'ai envie de retirer cette gommette parce qu'il y avait une bonne blague dans le best-of que t'as pas mis. Je l'ai pas mise, mais non, mais oui, mais tu me l'as rappelé tout à l'heure et je l'ai. Voilà, on avait parlé des petites mouches bleues, les mouches à merde. Tu vas avoir une verte alors, une gommette verte? Non, non, non, est sur le point de perdre sa gommette. Ou d'avoir une rouge. Aïe. On verra si je te pardonne, comme dirait Maître Gim, Cécia. A tout de suite! Comment bien acheter quand... On voit la vie en rose. Alors on aime forcément le rosé. Oh oui. Et on va chez Delhaize. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres, identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Delhaize. Bien acheter. Bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé, dit barbecue. Avec les délicieuses viandes Delhaize. Comment gagner du temps pour votre trajet maison-boulot? Voici la stratégie de Nathalie. Alors, pour gagner du temps le matin, nous, on a supprimé tout ce qui finissait par « matin ». Le journal du matin, la petite douche du matin, le petit bisou du matin, tout ça mis ensemble, ça fait pas mal de temps gagné, en fait. Bon, par contre, il vaut mieux éviter de supprimer le réveil matin. Parce que là, c'est... Chère Nathalie, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur votre trajet avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa... Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la mama, ça fait 10 ans qu'elle est partie, avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les draps, sur les draps. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver. Les bons souvenirs l'emportent sur Canton sur Radio Contact. Alors, c'est vendredi aujourd'hui. On est vraiment... quoi, j'ai rien fait. On est en train de regarder les photos. Est-ce que vous faites ça de temps en temps de regarder les photos dans votre profil Facebook? Les archives. Les archives. Moi, quand il y a une fille qui me plaît, je regarde un peu ses photos, puis je vois les anciennes et du coup, elle me plaît plus du tout. Non, mais là, ça nous rappelle de bons souvenirs quand même. Toi, avant, t'étais drôle sur Facebook. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais je me suis calmé sur Facebook parce que je me faisais à chaque fois engueuler quand je me faisais une blague ou quoi que ce soit. Alors, bon, parfois, c'est mal pris. Ouais, c'est incroyable. Hein, c'est fou. Hein. Il faut savoir que, hein, en général, c'était. C'est vrai, je me suis calmé. Pardon. Bon, on va continuer avec Tomorrowland. Tomorrowland. Hey. Hey, vous êtes là, vous qui nous écoutez en ce moment. On va vous offrir des places pour Tomorrowland. Tout à l'heure, un code sera diffusé sur Facebook. Vous tapez David Antoine et vous aurez l'occasion de le découvrir, ce code. Là, pour l'instant, on a mis un petit jeu sur Facebook. Le temps de patienter, vous verrez ça. Et Nathan, est-ce qu'on a des messages? On a des messages? Non, pas encore. Pas encore? Ah non, pas encore. Ah oui, maintenant il lui dit cash, hein, donc voilà. Bientôt il me dira simplement. J'ai autre chose à foutre, j'ai pas eu le temps. Peut-être lundi. Donc voilà, mais écoutez, si vous êtes connecté, n'hésitez pas. Alors directement sur mon téléphone, vous allez sur Snapchat, vous tapez David Antoine. Bien, il y en a un qui a fait ça, il était viré. Maître Gims, il est passé. Part Time Friends avec Here We Are, c'est ce qui arrive sur Radio Contact. C'est moi, Hip. Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Mitsubishi. Attention, attention, offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Ce sont les 50 jours de folie chez Auto 5, avec jusqu'au 7 juillet. Waouh, un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans. Qui dit Auto, dit Auto 5. Si nos âmes tutoient le ciel et nos hymnes éternels, here we are, l'aube de nos dernières trans, laisse un vide immense, here we are, je t'emmène une dernière fois. Suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are. Something wrong isn't fine. We'll L'info trafic. On s'informe sur vos conditions de circulation avec Mademoiselle Rochelet. Oui, et on vous signale un accident sur le 42 à hauteur de Gosselies en direction de Liège. Si vous êtes sur l'A27, un objet encombrant, un pneu, se trouve au niveau de Malmedy en direction de Verviers sur la bande de gauche. Et puis, si vous êtes sur le ring de Bruxelles, coince entre Ouémel et Zaventem dans les deux sens, soyez donc patients et prudents. Merci beaucoup, Lucille, dans cet instant. On vient avec Michael Jackson. Ce sera un petit souvenir. They Don't Care About Us sur Radio Contact. L'info trafic avec cet été, comptez sur l'assistance voyage Touring. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact, disponible sur l'App Store et l'Android Market. Samedi, 19h-20h, les mix de Contact. Les mix de Contact. Les mix de Contact. Sur Radio Contact. Ça, c'est Radio Contact. Feel good. Likes everyone, and I never lied. Still holding on to something. If you go and love yourself, this is Radio Contact. Feel good. Feel good. Feel good. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Allô ? Allô, bonjour, salut. Qui est à l'appareil ? Jessica. Jessica, tu sais qui est là ? Oui, Radio Contact. Exactement, tu viens de remporter la PS4. Donc, bravo, une PlayStation 4, rien que pour toi. C'est gentil. Et c'est, merci, c'est le film. Radio Contact. Oh, c'est le mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. We got it. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B, 100% R&B. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat, it's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. I'm Jackson, They Don't Care About Us. Souvenir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Belle fin de journée, voici pour vous Contact News. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Une reconstitution des préparatifs de l'attentat de la station de métro Malbec est en cours dans la commune bruxelloise d'Etterbeek. La police a fait savoir aux habitants du quartier que cette opération devrait se poursuivre au moins jusqu'à 18h. L'avenue des casernes est fermée entre le boulevard Général Jacques et la rue Noton, tout comme certaines rues transversales. Tous les travailleurs de Swissport sont désormais en grève à Zaventem. Ils ont arrêté le travail pour protester contre un manque d'effectifs. L'action spontanée a démarré à 5h du côté du service bagages. Dans l'après-midi, les autres travailleurs du contrôle des bagages ou encore du nettoyage ont décidé de suivre leurs collègues. Conséquence pour les passagers, non seulement les vols ont du retard, 45 minutes en moyenne, mais les bagages doivent rester à Zaventem. Une réunion de conciliation est en cours. Nous sommes le 17 juin et il est plus que temps de penser au job étudiant. Il y a de quoi faire. Je vous rappelle que Radio Contact vous propose le job de vos rêves. On vous en reparle ici avec toute l'équipe vers 18h. Du côté de student.be, il y a 1600 jobs en ligne, une vingtaine de nouvelles offres par jour. L'occasion de se pencher avec Pascal Ourmand sur les droits des jobistes. Première règle d'or, signer un contrat écrit avant même la première heure de prestation, histoire d'éviter les problèmes. Mathieu Verstraat de student.be. Des mauvaises surprises, on peut ne pas être payé, on peut ne pas être assuré et donc avoir de gros problèmes en cas d'accident sur le lieu du travail. Et comme n'importe quel salarié, les étudiants ont droit à des absences. Donc les étudiants ont le droit d'être payés durant leur jour où ils tombent malades et ils ont droit à leur jour férié. D'ailleurs, s'ils travaillent pendant un jour férié, ils ont également droit à une surprime par rapport à ce qu'ils sont payés d'habitude. L'étudiant peut travailler plus de 50 jours par an, mais au-delà, il ne bénéficie plus de cotisations réduites avec un régime spécial pour l'ORECA. Enfin, éviter de dépasser un certain seuil de revenus sous peine de perdre les allocations familiales. Alors, on ne peut pas dépasser 240 heures de travail pendant les trimestres de l'année scolaire et académique. Par contre, pendant les grandes vacances, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler plus de 240 heures. Pour ne pas être taxé, ne dépassez pas 10 100 euros environ par an. Et une réforme d'ampleur est annoncée pour les 450 000 jobistes du pays. La FEF, la Fédération des étudiants francophones, réclame d'être informée et consultée par le gouvernement, comme c'est le cas pour les projets qui concernent l'enseignement supérieur. À l'Euro de football, c'est toujours 0-0 entre l'Italie et la Suède dans ce match qui nous intéresse particulièrement. L'Italie a pour rappel battu les Diables Rouges 2-0 en début de semaine. Il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu. À 18h, République Tchèque Croatie et à 21h, Espagne Turquie. Du bon et du moins bon pour les Belges en tennis. Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Majorque. Janina Wickmeyer a décroché son ticket pour les quarts de finale à Birmingham. Défaite en revanche pour Isaline Bonaventure, battue en quart de finale d'un tournoi hongrois, et pour David Goffin, éliminé en quart là aussi du tournoi de Halle par Roger Federer, 6-1-7-6. Le Suisse bien parti pour inscrire une 9e victoire à son palmarès dans ce tournoi allemand. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Valérie, pas mal de pluie cet après-midi. Oui, des averses intenses et localement orageuses, 14 à 19 degrés, temps un peu plus sec pour ce week-end avec des températures similaires. Merci beaucoup, on va s'intéresser maintenant à la première musique créée par une intelligence artificielle, une intelligence qui vient d'un ordinateur. Vous allez voir, c'est assez surprenant, à tout de suite. Across the sun and above the clouds, the sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. to. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Oh, yeah. Oh, oh. Yeah, what's up? 16h-20h sur Radio Contact. Allez, soyez les bienvenus si vous voulez nous retrouver sur Radio Contact. On va parler musique à présent. Si vous terminez la journée et que vous dites, tiens, je me suis toujours senti un petit peu mélomane, j'aurais toujours aimé pouvoir créer un morceau de musique, et ben figurez-vous que là, Google a franchi le pas avec, vous le savez depuis un petit bout de temps, le développement de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en fin de compte? C'est donner la possibilité à un ordinateur d'avoir sa propre intelligence et puis de s'inspirer de tout ce qui l'entoure en fin de compte pour apprendre lui-même. C'est un peu comme dans le film Terminator et Skynet, on se souvient à l'époque. Hein, ouais, avant que ça dégénère. Il y a eu un petit problème après, mais on en parlera. Bon, c'est vrai. Bon, là, résultat des courses. Il y a un grand pas qui vient d'être franchi. Exactement, puisque un ordinateur a créé le premier morceau musical que lui-même a fait, quoi. Exactement, c'est ça, David. Un robot, en quelque sorte, est devenu musicien. C'est ce projet mené par Google qui s'appelle Magenta. En fait, grâce à des algorithmes, ça y est, les machines sont prêtes à créer de l'art. On va écouter le premier titre. Alors, on est vraiment en balbutiement, mais ça pourrait ressembler à certains DJ. Écoutez. Alors à un moment tu te dis ça a démarré. Allez, bah oui. On a l'impression d'avoir les Daft Punk. Hein. Oui. Around the world, around. Ça aurait pu, mais ça s'arrête là. Bah oui. Alors bon, évidemment c'est pas c'est limité, exceptionnel, quoi. Mais par contre l'ordinateur est en train de s'inspirer de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il perçoit et de tout ce que les utilisateurs d'autres réseaux lui proposent pour s'enrichir. Ils vont lui apporter. Exactement, David. Alors, le but de Google avec ce programme musical, c'est pas vraiment que ça devienne des tubes, que les machines fassent des tubes, mais c'est que les artistes trouvent l'inspiration dans ce que leur proposent les machines. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une mélodie qu'on pourrait utiliser pour autre chose. Alors, vous dites, ouais, c'est pas terrible, effectivement. Ouais, alors, on est là-dedans. Hein. Mais il faut quand même bien avouer qu'on franchit certaines étapes assez importantes. Oui. Donc, l'intelligence artificielle, maintenant, crée de la musique, autrement dit, de l'art. Bon, cet été, en pleine Coupe d'Europe, vous ne serez pas à côté de votre fils quand il regardera le match pour remplacer sa pizza par une délicieuse salade César. Bah non. Sauf si vous postulez comme ouvrier communal. Bonjour, j'ai beaucoup d'expérience en tant qu'ouvrier communal. Vous avez le job. Youhou, j'ai le job. Youhou, vous avez le job. Vous faites un trou dans la route devant le code de votre fils. Et vous attendez que le livreur de pizza tombe dedans. Vous attendez encore qu'il tombe. Ah bah c'est un long trou que vous avez fait, hein. Voilà, vous prenez ses affaires et son casque, et vous remplacez la pizza par une délicieuse salade César. C'est quand même un grand trou, non ? Ouais. Vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant, maintenant. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le chant des vagues dans la mer? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Chez Decathlon et sur Decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre. Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues. Sors la planche.

Radio Contact. Grâce à Radio Contact, vous allez peut-être remporter vos passes pour Tomorrowland. Alors là, je suis en train d'appeler Nathan qui est dans un autre bureau, qui est en train de... Ah ben non, il arrive dans ce studio. Nathan, je vais savoir si tu avais pu faire le code. Voilà, le code est enregistré maintenant. Il est posté à l'instant sur ma page Facebook. Si vous souhaitez remporter des places pour Tomorrowland, eh bien, ce sera... pour vous, l'occasion unique pour cette fin de semaine. Ouais, on peut dire déjà pour quel jour, quel date on joue. Bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, David, on joue pour les passes pour le samedi 23 juillet. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Il y aura Dimitri Vegas et Like Mike, Yves V, Axwell, Afrojack, Nicky Romero et plein d'autres. Et surtout, l'ambiance de Tomorrowland qui est unique. Voilà. Bah, écoutez, pour ce faire, vous envoyez le code Tomorrowland suivi du mot précis que vous allez retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à liker, partager aussi, hein, parce que, voilà, c'est fait pour deux personnes, tant qu'à faire. Et puis, dernière petite chose, écoutez ensuite Radio Contact, puisque nous allons appeler de manière aléatoire un SMS qui est arrivé ici au standard, et cette personne va devoir donner le code trouvé sur Facebook et évidemment, en plus de ça, le titre qu'on aura écouté juste avant. Donc il n'y a plus qu'à faire vos jeux, tenter votre chance, et qui sait, ce sera peut-être pour vous. Good luck. Coucou, je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre, tic tac. Moi, j'étais dans un appareil photo, clic clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui ? Super ! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à conditions. Comment bien manger quand... on veut savourer du poisson de saison ? On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range ? Voir Christian marquer en Ultra High Definition ? Les Belges sont prêts pour le foot.

get scorned. Beats so bad, make you feel like you ain't wanna be born, John. Tell your friends they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was chunking in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies, speaking enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la. On flat spoons, take those shorts like poo-poo. See Gucci's, buy Gucci's for Gucci's and Lucci. Find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji. Hey, hey, hey, try to take the crew and we don't play, play. Say, say, say, like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your mouth. Niggas huff and they huff, but they can't handle us. Bust, cause we fortified, I could never hide. Secretly hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that listed by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. I shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and half a respect jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn teepees. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ojibwaton, I'm a true champion like Farrakhan, reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric facts like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I got. Le souvenir des Fugees, hein, Fujila, c'était sur Radio Contact. On va revenir avec l'actu télé dans un instant et Thibaut, et puis toujours les places pour Tomorrowland et une annonce très très importante dès 18h sur Radio Contact pour vous, étudiants en blocus et qui cherchez un job. Fifth Harmony, mais aussi Owl City, c'est ce qui débarque dans quelques secondes sur Radio Contact. Soyez les bienvenus. Il est 17h. Radio Contact. With this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, cause it's always a good time. Good morning and good night. Good night.

je veux rire, je veux crier haut et fort. Toutes mes conneries, mes délires, à tort ou à raison, on verra. Il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous et rien à foutre qui pense de nous. On me baïonne, on me teste, qu'on me laisse dire ce qui me plaît, qu'on me pardonne. Sur Radio Contact, on l'aime beaucoup, vous le savez, je l'apprécie. Shine qui est en train de parler bébé, hein, il faut savoir. Shine qui aurait envie. Elle a un père pour ça Ouais. Sinon, je crois qu'il y en a qui se proposent. Allez, je me porte volontaire avec grand plaisir. Je s'en occupe, hein, parce que moi, j'ai. je dois faire le 16-20. T'as des occupations, bon, allez, on va retrouver Thibaut et on commence par les audiences. Salut Thibaut. Ouais, salut David, c'est le match de l'Euro de football, hein. Allemagne-Pologne sur la 2, qui est en tête des audiences hier soir, 653 000 téléspectateurs et 42% de part d'audience. Loin derrière, on retrouve le film Angélique, Marquise des Anges sur RTL TVI, qui n'attire que 270 000 téléspectateurs et 18% de part d'audience. Très bien, on continue avec un Liégeois qui a fait sa demande en mariage hier dans Touche pas mon poste, sur Plug RTL. Ah ouais David, séquence émotion, hier soir dans TPMP. Lorraine se rappellera longtemps de ce moment. Hier soir, donc, Nicolas, un Liégeois de 22 ans, a surpris sa belle et les milliers de téléspectateurs. Il a sorti, figurez-vous, un écrin de sa poche en direct. Oh, il s'est mis à genoux pour demander la main de Lorraine. Écoutez ce beau moment. Je crois que tu as une petite surprise. Je veux te pousser. Merci, chérie, merci. C'était le rêve de Nico de la demander en mariage. N'en touche pas au poste, il est fan de l'émission. Non, c'était mignon, il était tout jeune en plus. Ouais. Hein, 22 ans le mec, donc voilà. Et la nouvelle formule du petit journal à la rentrée sur BTV. Ouais David, on vous annonçait hier que le chroniqueur, hein, Cyril Eldin, allait remplacer Yann Barthès à la rentrée dans le petit journal. Et pour cette nouvelle formule, eh bien Canal+ voudrait réintégrer l'émission dans le grand journal, comme lors en fait des premières années, hein, de Yann Barthès aux côtés de Michel Denisot. Le petit journal redeviendrait donc une séquence du grand journal et non plus une émission à part entière. Merci beaucoup Thibaut. Nous on va poursuivre en musique sur Radio Contact. On reviendra sur Tomorrowland. Et puis je vous rappelle, à 18h tout pile, on vous parlera d'un événement important, le job de rêve vous les étudiants. Ce sera cet été sur Radio Contact et vous serez peut-être notre futur collègue. Ultra top. Ultra top single sur Radio Contact. It's just me, myself and I, solo. Numéro 10. Les hits de vos artistes préférés sont dans l'Ultra Top Single. Ultra Top Single, le classement, chaque samedi dès 14h sur Radio Contact.

Pourquoi tu dis que j'ai pas grand chose? Mais non, parce que tout à l'heure tu m'as dit que t'avais rien de prévu ce week-end. Ah non, c'est pas ça. Je vais aller avec le patron de la rédaction de Radio Contact. Ouais, faire du vélo. Non, pas faire du vélo. On va aller regarder le match. Bah oui, alors, comme des cons, on terrasse évidemment, comme d'habitude. Ouais, ça va être très sympa. Hein. Et puis, vélo dimanche. Avec Didier. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression de ne plus rien faire de ma vie. Nathan, tu vas faire quoi toi? Moi, ce soir, alors, je vais faire une rupture du jeûne, tiens, à 22h. Ouais, hein, avec mes amis. Bah, t'as rien mangé aujourd'hui? Ah si, j'ai mangé, mais je vais remanger encore. Double dose. Ah ouais, ok, voilà. Tu romps le jeûne à quelle heure? À 22h? C'est ouais, c'est ça, dans le trou de 22h, c'est ça. D'accord, on salue évidemment là, toutes les personnes qui font le ramadan, là, qui sont un peu séchées. Bah, excusez-nous, voilà. Courage à vous, courage à tout le monde aussi, hein, celles et ceux qui sont en train de bosser leurs examens. Un petit peu compliqué, mais dans quelques jours, ce sera la délivrance. On parlera de vous aussi, étudiants qui est en train d'étudier, qui attendait un job d'étudiant. Ce qu'il faut. Ouais, d'ailleurs, on a balancé l'annonce hein, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de radiocontact.be, et ça rappelle des souvenirs à Anne France de Bruxelles qui dit: moi j'ai été contact girl entre 1989 et 1994. Ce sont mes meilleurs souvenirs de job d'étudiant. Ah, des opportunités fabuleuses, une ambiance du tonnerre, des rencontres magiques. Foncez les students, et jamais vous ne vivrez un autre moment pareil. C'est cool, ouais. Merci beaucoup, ouais, ah. Puisqu'on va vous offrir la possibilité d'intégrer l'équipe de Radio Contact. Et au-delà d'être dans une bonne ambiance, vous allez voir au niveau boulot, bah voilà, les conditions de travail sont assez sympas, elles aussi. Et puis un message de Flore de Vaux et Borset qui dit qu'elle a bien mangé tout à l'heure. Hein, ce midi, c'était le 16-20 au I Love Burger avec son collègue. Ah. Le burger était juste trop bon. Ah oui, le burger 16-20. Ouais, le vrai hamburger 16-20, le premier d'une longue série, je pense, qui est disponible du côté de Visé, où un resto bon, hein, nous l'a fait tester. Et franchement, ça a tapé le cul par terre. Et on termine avec Caroline de Bernissard qui a reçu ses places de ciné. Merci à Radio Contact, vous êtes géniaux. Parfait, bah voilà, continuez avec vos messages. Je lis vos snaps dans quelques instants sur Radio Contact. On revient avec Contact News, mais aussi l'infotrafic. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale de Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Comme toutes les bonnes bières spéciales, Gordon se tient comme un seul homme derrière l'équipe belge. Soyons tous sportifs, sans quitter notre fauteuil. Après le succès universel des Vuvuzela, Zozulika, Caxirola et autres Macarapa, Gordon lance aujourd'hui le Bière La La La, la seule canette musicale officielle pour les supporters de la Coupe d'Europe, qui résonne comme... comme... Gordon, de la bière... pas de l'air. Une bière se déguste avec sagesse. Radio Contact. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see your smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. I'm only one. Trafic. On vous signale un accident sur la N4 à hauteur de Lonzay en direction du Luxembourg. Le passage est difficile. Un autre accident dans l'échangeur du ring de Bruxelles en direction de Liège à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne. Et puis, si vous êtes du côté de Bruxelles, un véhicule en panne se trouve sur la petite ceinture dans le tunnel Rogier vers la basilique. La bande de droite est obstruée. Soyez donc patients. Le week-end ne fait que commencer. Allez, n'hésitez pas également si vous avez des informations à nous balancer. 34-93, ça se passe par SMS. Merci. L'infotrafic avec... Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage Touring. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Elle a dit wake up. Selma, c'est bon, tu repars avec tes deux accès. Merci. Ça te fait plaisir, ma Selma ? Oui, vraiment. Eh bien voilà, avec la personne de ton choix, tu iras applaudir l'ancienne Belgique à Bruxelles. The Vems, apparemment, c'est ton groupe préféré. Oui. Quelle est la meilleure des radios pour toi ? Radio Contact. You know ! Vos plus beaux cadeaux se gagnent uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h. Les mix de Contact. Les mix de Contact. Sur Radio Contact. 5 Seconds of Summer. En concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. We got it. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B, 100% R&B. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Radio Contact. Feel good. Every night he excellent titre de Mickey, It's My Man, c'était sur Radio Contact. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Contact News. Avec Valérie de Winter. Bonjour Valérie. Bonjour David, bonjour à tous. Avant toute chose, l'Italie s'est qualifiée il y a moins d'une heure pour les huitièmes de finale après avoir battu 1-0 la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Un but d'Eder à la 87e minute. La Nazionale est la deuxième équipe de cet Euro à se qualifier pour le tour suivant après la France. Les Diables Rouges se sont entraînés aujourd'hui à huis clos. Ils n'auront plus droit à l'erreur demain face à l'Irlande. Dans une demi-heure, la République tchèque face à la Croatie. Et à 21h, l'Espagne contre la Turquie. Notez que la fan zone de Lille a été fermée cet après-midi juste avant le coup d'envoi d'Italie-Suède en raison des trombes d'eau qui se sont abattues sur la ville. Aucun des deux matchs de l'Euro qui doivent encore se jouer aujourd'hui ne sera diffusé sur écran géant. Dans moins de deux semaines, place aux grandes vacances. Beaucoup d'entre vous prendront la route pour des trajets qui peuvent s'avérer longs, d'où l'importance de faire des pauses. Le problème, c'est que selon une étude française relayée par l'IBSR, 8 Belges sur 10 s'arrêtent bel et bien en chemin pour se reposer, mais souvent fort tard, Pauline Laurent. La pause n'intervient qu'après 2h54. C'est près d'une heure de trop, car il est recommandé de s'arrêter sur une aire pour se reposer toutes les 2 heures. Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Il y a différents facteurs qui font que... Vous devez vous arrêter pour des raisons de sécurité toutes les 2 heures. Alors, il y a un problème de déshydratation. À partir du moment où on roule, les gens ne se rendent pas compte que s'il fait trop chaud dans la voiture, on se déshydrate beaucoup plus vite. Il y a une perte d'énergie parce qu'on est en concentration permanente. Vous êtes, entre guillemets, agressé par des voitures qui ne mettent pas leur clignotant. Il y a des énervements qui viennent aussi des enfants. Mais alors, pendant combien de temps faut-il s'arrêter? Les gens pensent que s'ils doivent s'arrêter, ils doivent commencer à prendre un petit déjeuner ou un déjeuner, que ça peut prendre 1 heure et donc ça va retarder. Non. 10 minutes suffisent. Il faut se dégourdir les jambes, il faut refaire circuler le sang, parce que lorsque vous êtes assis, vous avez le bassin qui est plié, et donc au niveau des artères, la circulation n'est pas fluide. Il faut s'hydrater, ne pas boire de soda, il faut boire de l'eau plate de préférence, surtout faire boire les enfants. Et surtout, n'oubliez pas, il est essentiel de dormir au moins 8 heures les nuits précédant le départ en vacances. En parlant mobilité, sur le rail, les deux voies de la ligne rapide entre Bruxelles et Gand sont à nouveau accessibles depuis le milieu de l'après-midi, même s'il faut compter sur des retards. La circulation était fortement perturbée depuis 5 heures ce matin en raison d'un problème de signalisation, problème dû à un probable acte de sabotage. Au Royaume-Uni, la campagne pour le référendum restera suspendue demain. Les deux camps l'ont annoncé, aussi bien les pro-Brexit que les pro-européens. Une manière de rendre hommage après le meurtre hier d'une députée pro-européenne. Un acte qui a sidéré les Britanniques. Enfin, le Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes a signé le meilleur temps des 2 premières séances d'essai libre du Grand Prix de Formule 1 d'Europe. La course se disputera sur le circuit de Bakou en Azerbaïdjan à partir de 15h dimanche. Palins présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. On passe à la météo de ce week-end. Alors encore de la pluie, par moments quelques orages localisés sur le sud-est, mais avec des apparitions du soleil. 15 à 18 pour demain, entre 14 et 20 degrés dimanche, David. Merci beaucoup Valérie. Bon, des titres de Justin Bieber en version années 80. On a découvert cette petite perle et on vous la diffuse. The last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch. Radio Contact. Allez, merci de nous retrouver sur Radio Contact. Je sais que vous êtes très très nombreux derrière à nous écouter tous les jours et ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, petite parenthèse. Ouais. Alors moi, je suis des années 80, je suis né en 82, Lucille. 85. 85, Nathan, lui, années 95. 90. C'est 80, mais 15. 95, pas mal. Alors, est-ce que tu te souviens, parce que t'as une perception, est-ce que tu sais reconnaître un son des années 80? Oui, avec les le petit piano et la petite synthé. C'était du synthétiseur. Et surtout les clips bien flashy là. Voilà, exactement. Et il y a le saxophone aussi, synthé et saxophone. C'est vrai. Bon, alors on se souvient tous de nombreux titres des années 80 et de ce style, de cette petite patte. Bon, là, Justin Bieber a été remixé façon années 80. Vous connaissez le titre What Do You Mean? Ouais. Ça, c'est l'original. What do you mean? Oh, when you nod your head, yes. Ok, vous l'avez dans l'oreille. Ouais. Eh bien, récemment, un mec a remixé le morceau en version années 80. Écoutez, franchement, on y est. Ouais, c'est What Do You Mean 1985, c'est le titre. Écoutez, c'est drôle. Radio Contact. Elle est super. Justin Bieber version 1985, écoutez. Drôle quand même, hein. Le remix est assez réussi, hein. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait aussi une photo pour illustrer cette musique, une photo de Justin Bieber, un montage avec une coupe mulet qui lui va ravir. Julie sur Facebook dit il a un air de Jean-Luc Lahaye d'ailleurs sur cette photo-là. Et puis une Aline Bruxelles qui dit c'est très recherché en parole hein, quand on sait qu'il répète 27 fois What Do You Mean, mais il n'a pas battu le record de Caprice est fini 33 fois. L'été arrive, au travail aussi. Vos collègues partent en vacances et vous, vous vous mettez au travail. Le moment est venu de ranger l'entrepôt et l'atelier. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Des boîtes de rangement aux tables de pique-nique et des étagères aux ventilateurs. Rendez-vous vite sur manutan.be, puis au boulot. Manutan, all you need with love. Il y a 50 ans, Auto 5 s'installait en Belgique. Les vieilles cadettes s'en souviennent. Ouais, je faisais du rallye. J'en ai bouffé du pneu Auto 5. Aujourd'hui, Auto 5 est toujours à la pointe de la technologie. Pour fêter ça, nous lançons 50 jours de folie. Avec jusqu'au 7 juillet... un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans... qui dit Auto, dit Auto 5. Conditions sur auto5.be. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Allez, boutique Laura. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Un site d'offre d'emploi traditionnel, c'est que vous êtes un homme. Que vous recherchez un emploi fixe en tant que ingénieur autour de Charleroi. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Alors, Stéphane, il aime travailler en équipe. Dans son boulot, c'est un as, il accorde une grande importance aux formations et il se rend de préférence au bureau en vélo. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Comment bien manger quand... on veut savourer du poisson de saison. On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Show of Fiji, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Dans moins de 15 minutes, même ça va, on a un petit peu de temps, hein, eh bien, on va vous offrir la possibilité de venir rejoindre l'équipe de Radio Contact. Alors, vous êtes très nombreux depuis ce matin à tenter votre chance, hein, ouais, pour postuler à ce job. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ne sont plus étudiants, qui disent « mais j'aurais tant voulu être encore étudiant pour pouvoir postuler ». Malheureusement, bah, c'est quand même vachement réservé aux jeunes qui viennent sortir des études ou bien qui sont aux études. Voilà, etc. C'est les jeunes qui, là, sont en train de nous écouter, en train de bosser sur leurs examens. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de démarcher pour un job d'étudiant, eh bien, on a peut-être la solution ultime. Et alors, parmi le job, vous allez voir, il y a des événements assez exceptionnels. On en parlera dans un instant, si vous le voulez bien. On reviendra également sur les places pour Tomorrowland à gagner. Je vous rappelle, le code est disponible sur Facebook. Ouais, sur Facebook, vous tapez David Antoine. Alors, il y a la petite photo, une photo de il y a deux ans, hein, à Tomorrowland, où on te voit, David, devant la grande scène qui est vraiment impressionnante. Donc, il est disponible sur la page Facebook David Antoine. Ah, et c'est nos potes, hein, on peut le dire, hein, les gens de Tomorrowland, là, on les salue, on sait qu'ils sont derrière. Et ben, chaque année, on est partenaire de cet événement incroyable. Ouais. On et présent, on les salue, hein, Déby, Mickaël, Fred, ouais, et tous les autres. Tous les bracelets. Ben voilà, donc on les embrasse et puis on les retrouvera très très vite. Big Ali featuring WhatyB, c'est WhatyB Ali sur Radio Contact. Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30 euros de produits Coca-Cola, Jupiler ou Ola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Radio Contact. Yeah. Let's go, baby. YTV. Oh boy. Big Ali. On s'hypnotise comme la drogue qui nous tourne en bleu. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Pas le temps pour toi l'ami si tu racontes ton nom. On pourrait être bilingue avec toutes sortes de mots. Laisse-moi vivre. Ouais, Big Ali. Laisse-moi m'aimer.

Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Oh. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Radio Contact. Feel good. Il faut le 18. Le joker. Je tire, c'est le joker. Ah yeah. Ton plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In The Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In The Mix. In The Mix. In The Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Écoutez Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Chaque samedi, 19h, 20h, les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Numéricable, canal 98. Des envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Autour de moi. Radio Contact. Feel good. Bienvenue sur Radio Contact, il est 18h. Radio Contact. Le week-end démarre maintenant. Enfin, ça y est, c'est le week-end, on va pouvoir en profiter. Bah, ça y est, on peut le dire. Voilà, deux jours de congé bien mérités. Et puis pour certains, ce sera la délivrance. Peut-être même dès maintenant, si pas, il va falloir attendre un tout petit peu pour que les examens se terminent. En plus, c'est un week-end festif pour beaucoup d'entre vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de festivités autour des fêtes de la musique qui commencent dès ce soir dans toute la Belgique, donc profitez-en bien. Et d'ailleurs, mardi, on aura un événement exceptionnel ici chez Radio Contact pour la fête de la musique. Il y aura un gros, gros concert qui va se dérouler ici dans les studios avec il y aura Puggy, il y aura Alison de Roof, il y aura Milo, et il y aura Grand Georges également et Delta. Donc il y aura plein d'artistes qui vont Ça va être énorme. Hein, donc rendez-vous. Eh bien, le 21 juin, pour la fête de la musique. Bon, là, on s'intéresse évidemment à vous, les étudiants. On va vous offrir le meilleur job étudiant que vous n'ayez jamais imaginé, à savoir travailler chez Radio Contact. Pendant un mois, vous serez payé, grassement payé, pour assister, aux différents événements Tomorrowland de Radio Contact, comme par exemple Tomorrowland, c'est 15 jours à Ibiza. Ouais. On va également vous offrir la possibilité d'assister aux avant-premières cinéma, travailler au développement des émissions, mais dans une ambiance hyper cool. Hein. Donc, écoutez, si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous dès maintenant sur radiocontact.be. Un formulaire est disponible. Ouais, un petit formulaire super simple en plus. Hein. Vous dites ce que vous savez faire, vous avez le permis, vous savez parler anglais, espagnol. Tout n'est pas obligatoire, mais tout est intéressant. Ouais. À mettez le maximum. Ouais, allez, on a déjà reçu pas mal de candidatures. Vous serez peut-être le prochain collègue de nos amis de Radio Contact. Et puis les nôtres, vous la prochaine, pourquoi pas. N'oubliez pas, photos, CV et puis quelques lignes de motivation. Et le tour est joué. On vous souhaite bonne chance et on espère vous retrouver ici bientôt dans les studios pour appuyer par exemple sur ce bouton. Kygo, le voici, ce sera Stay sur Radio Contact Suarez. Puis tout à l'heure, on reviendra avec Tomorrowland et puis plein d'autres surprises. On vous souhaite, on peut le dire, un excellent week-end. Thank you. Grâce à tes jolies jupes, n'y font rien. Elle approche la chute, et même nos parachutes n'y pourront rien. Nous allons faire un pas en souhaitant qu'en bas ce sera comme avant, qu'en bas seront morts en tombant l'indifférent. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Elle approche la chute et elle va droit au but, mais là de rien. Elle approche la chute, peu importe que tu luttes, tu peux plus rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en priant qu'en bas ce sera différent, qu'en bas seront morts en tombant nos vies d'avant. Nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant, en avant. Ne regarde pas en bas, donne-moi la main. À trois, on sera libre enfin. On saura vite si c'est la fin. Un. Nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Ah, c'est quand même incroyable que peu de gens y croient en fin de compte, hein. Attendez, c'est vrai. Jusqu'à 20h, David sur Radio Contact. Mais je vous le dis sincèrement, vous allez pouvoir venir nous retrouver ici chez Radio Contact pendant un mois. Vous allez travailler en tant que job d'étudiant, hein, étudiant qui va retrouver l'équipe. Alors ouais, avec toute la bonne humeur qui nous caractérise, et en plus de ça, vous allez participer à tout ça. J'espère que vous aurez le sourire, hein, en venant travailler ici à la radio. Il y a quelques petites compétences à avoir, mais voilà, rien n'est figé, rien n'est arrêté. Montrez-vous tout simement motivé à l'idée de venir nous retrouver. Tout le monde a ses chances. Voilà, exactement. Nathan, les messages. Ouais, message de Caroline. Je propose Julien, c'est mon filleul adoré. Moi, je suis sa marraine adorée, évidemment. Il est étudiant en marketing, il vient de finir ses études de photo à l'Inératie, donc ce job pourrait bien lui plaire. Allez, Julien, welcome. Et puis JM qui dit moi j'ai plus de 18 ans mais je ne suis plus étudiant, pour ce que tu décris, être payé pour aller avec vous à Tomorrowland voir des films etc, je postule pour le week-end et en semaine je travaille à la pharmacie. Pourquoi pas. Non mais sérieusement, vous allez vraiment vous éclater, hein, je pense, et au-delà évidemment du côté un peu rêve et puis inaccessible pour certains événements comme Tomorrowland, comme Ibiza, ouais, et ainsi de suite, bah, y a quand même un petit peu de boulot derrière, hein, je vous rassure malheureusement je suis obligé de vous le dire, donc voilà, on bossera honnête aussi un petit peu, mais et vous allez gagner un vrai salaire pour venir bosser chez Radio Contact. Pendant un mois, vous serez, on peut le dire, quasi chouchouté. Allez, dans un instant, eh bien, l'infotrafic. On viendra aussi sur un événement incroyable. Tomorrowland avec des places à gagner. Le code est disponible sur ma page Facebook. Allez faire un petit tour. Antoine. Dès maintenant, on vous dit bonne chance et à tout de suite. Sophie mange du fromage. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Et oui, aucune différence. Parce qu'avec Dilea Zéro Lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur Dilea.be. Dilea, le geste plus digeste. Le Spar de Lucie. Quand mon fils est en entraînement, c'est chaque fois la course. Mais avec un saut rapide dans mon Spar, eh bien je trouve toujours un délicieux petit plat. Spar Colruyt Group, toujours avantageux.

La République tchèque face à la Croatie en ce moment à l'Euro, c'est toujours 0-0 à un quart d'heure de la mi-temps. Je vous rappelle la victoire cet après-midi de l'Italie, 1-0 face à la Suède et à 21h l'Espagne contre la Turquie. Je vous propose à présent de partir à la découverte des spotters, des policiers belges envoyés à l'Euro pour encadrer les supporters des Diables Rouges. L'un de nos envoyés spéciaux, Nathanaël Poli, a passé une partie de la journée avec l'un d'eux, qui est policier à Liège et qui patrouillait aujourd'hui dans les rues de Bordeaux. Stéphane Pellet est policier à Liège. Il est l'un des 6 spotters envoyés durant l'Euro pour accompagner les supporters belges et notamment pour les informer au mieux. Oui, c'est une des missions qu'on a, donc c'est de prendre contact avec les supporters, voir si tout se passe bien, leur expliquer aussi que la volonté des autorités françaises, par exemple les Français, vont ouvrir les portes 3 heures avant le début du match. Et ils nous ont demandé de faire passer ce message-là. Stéphane et ses collègues travaillent dans la fan zone, mais aussi dans le centre-ville, car la deuxième partie de leur travail, c'est de repérer les éventuels supporters à risque. C'est pas difficile, on marche, on regarde les supporters belges, et l'équipe qui est avec moi sont des gens qui sont spécialisés là-dedans, puisqu'ils sont tous les week-ends dans le milieu du football, tous les week-ends ils sont dans les stades, et ils sont en contact avec les supporters, donc ils connaissent leurs supporters. Ces 6 spotters travaillent en civil. Les supporters que j'ai rencontrés m'ont tous dit qu'ils leur apportaient un sentiment de sécurité. Coup de tonnerre dans l'athlétisme russe après avoir annoncé qu'aucun athlète de ce pays ne participerait aux Jeux Olympiques de Rio cet été. La Fédération internationale vient de faire savoir qu'il serait autorisé sous certaines conditions, des conditions qui n'ont pas encore été précisées. Enfin, en cyclisme, l'Américain TJ Van Garderen, vainqueur de la 7e étape du Tour de Suisse, et un nouveau maillot jaune, le Français Warren Barguil. Panos présente les feux du four. Oh, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Bon, c'est pas terrible pour samedi, mais par contre, ça s'améliore pour dimanche. Oui, parce qu'il n'y aura déjà plus d'alerte aux orages, alors quelques averses par moment, mais surtout beaucoup d'éclaircies et un temps plutôt doux entre 15 et 20 degrés. Allez, tant mieux. Merci beaucoup Valérie. Nous, on poursuit en musique. Et puis derrière, Tomorrowland, écoutez bien le titre qui arrive. C'est Kungs avec This Girl. Je pourrais vous le demander dans quelques instants. That I gagnez vos passes pour Tomorrowland grâce à Radio Contact. C'est le moment, c'est l'instant. Oui. Dernière possibilité cette semaine oui. pour remporter vos places pour Tomorrowland. Vous le savez, sur Radio Contact et dans le 16-20, eh bien, on vous offre en totale exclusivité les derniers accès à Tomorrowland. Oui. Rendez-vous le 22, 23 et 24 juillet prochain depuis le site de Baume où, comme chaque année, il accueillera le meilleur festival au monde. Eh, hey, on peut être fiers. Hein. Et c'est pas notre avis personnel, même si on le pense. C'est une élection qui a lieu chaque année pour établir qui est le meilleur festival du monde. Et c'est eux, chaque ouais. année Tomorrowland qui gagne. Bah, je me rappelle Nathan, lorsqu'il était tout petit, il a assisté à deux ans, premier jour ouais. de travail à Tomorrowland. C'est vrai. Hein. Donc là, je fêtais mes deux ans de travail chez Radio Contact, en fait, à Tomorrowland. Incroyable. Ouais, on va fêter ça ensemble cette année. On va appeler l'un d'entre vous. Hein. Vous étiez très nombreux à choper le code qui était présent sur Facebook. Je vais vous le demander à nouveau, ce code. La page David Antoine. Du moins, cette personne décroche ce que j'espère. Alors, la personne va devoir me donner le code. Et en plus de ça, le titre qui a été donné à l'antenne. Ouais, qui vient d'être diffusé. Ouais. Ça se met, il est aux toilettes et en fait, il se dépêche là pour... Bienvenue. Ah. Oh là là. Là, c'est cata. C'est cata pour cette personne. Je vais devoir appeler un autre numéro. Alors, tant mieux pour les autres, de toute façon. Alors, qui ? Peut-être vous ? Et alors, on vous offre des accès aujourd'hui pour le samedi 23 juillet. Il y aura Lost Frequencies, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Axwell et Ingrosso, Evie et plein d'autres. J'espère que ça va décrocher. Hein. Sinon, va falloir vite choper le code sur Facebook et l'envoyer par SMS au 6691. Allô ? Allô, bonsoir. Qui est à l'appareil ? Lisa Brunin. Qui ça ? Lisa Brunin. Lisa, on te réveille ? Lisa. Non, j'étais dans ma douche. Ouais, c'est ça, ouais. Hey. Des preuves, on veut des preuves, Lisa. Des photos. Lisa, est-ce que tu étais à l'écoute de Radio Contact ? Oui. Bon, parfait. Oui. Ça m'a l'air pas mal. Donne-moi un petit peu le code que t'as envoyé par SMS. J'ai envoyé Tomorrowland Live. Tomorrowland Live. On va voir si c'est le bon code. Ouais. Donne-moi le titre qui a été diffusé il y a quelques instants. Alors, c'était Burning Heart à The Survivor. J'ai pas trop l'accent, désolé. Hein ? Non, c'était pas ça. Oh, c'est une blague. Bah non, c'est pas une blague. Burning Out de Survivor. Non, pas du tout. Pas du tout. Survivor, on passe pas c'est ça. This Girl. Ah. Attendez, deux secondes, je vous en prie. Attendez. Oh, This Girl. Qui t'a dit ça ? C'est mon copain. Bon, passe-moi le copain, alors. Juste à côté de moi. Passe-moi le copain. Seul pas. Oh là là. Allô ? Allô, bonsoir, c'est qui ? C'est Jérôme. Salut Jérôme, je m'appelle David. T'es sur en direct sur Radio Contact. Bon, j'ai écouté la radio. Qu'est-ce qu'elle raconte là, Lisa ? Mais elle était dans la douche. Ouais, mais il faut pas lui faire confiance, je t'ai déjà dit. Bon, alors donne-moi maintenant le titre qui a été joué sur Radio Contact. C'était Kiss Girl, c'est Kunz vs Cooking on Twitterner. On va vérifier si c'est la bonne réponse. Allez, on sent, mais on sent les. Hein. Ouais, c'est ça, on sent les parfaits polyglottes en tout cas. Ouais, attention, c'est parti. Si tu gagnes, ce sera uniquement grâce à toi. Bonne chance. Merci. Attention, Lisa, Jérôme. Oh là là. C'est bon, vous partez à Tomorrowland. Bravo. Merci. Ah Lisa, qu'est-ce que tu ferais sans Jérôme hein ? Heureusement que je suis arrivé tout juste. Parce Ah mais Survivor, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Sérieusement, c'est pas incroyable. Bon, bravo à vous deux, hein, puisque elle a envoyé le bon code, en donné quand même le bon titre et heureusement, vous repartez avec des accès à Tomorrowland. Eh ben oui, ce sera le samedi 23 juillet. Bon, on sera avec vous, on va se croiser, j'espère. Voilà. Pardon, j'ai... Bon, c'est pas grave. Non, il a pas envie. Il y en a une qui se lave et l'autre, il a l'eau dans les oreilles. Bon, Jérôme et Lisa, on vous embrasse et on vous donne toutes les infos en antenne, d'accord ? Merci beaucoup, à bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Ah là, ils ont eu chaud ces deux-là. Hein. Bon, on va jouer à nouveau la semaine prochaine sur Radio Contact dans le 16-20 entre 16h et 20h. Vous allez pouvoir décrocher, alors là on peut le dire, les tout derniers accès à Tomorrowland. Et je peux même vous confirmer qu'il y aura un accès pour les 3 jours. Bonne chance d'ores et déjà et encore une fois bravo à Jérôme et Lisa. Comment gagner du temps lors de votre trajet maison-boulot ? Voici la stratégie de Nicolas. Alors, le soir, quand je rentre du boulot en voiture, pour arriver à l'heure à la maison, je ne cherche que des routes en descente. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le truc, c'est qu'à Bruxelles, à part la butte de Waterloo... Si, je vais rentrer par les Ardennes. Oh oui, ça va être plus long, mais ça va être bon, ça. Cher Nicolas, il y a plus simple.

just you baby, and me. And you, girl, you and me, chop it to the floor and make me see your energy. Because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel weak, girl? Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel. They just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, elle était ravie, hein. Il y a quelques instants, Jérôme et Lisa viennent de remporter les accès à Tomorrowland pour le samedi. La semaine prochaine, on aura des accès pour le dimanche et puis d'autres accès pour les trois jours. Excellent. Donc, bah voilà, qui sera le prochain gagnant? Rendez-vous sur les pages Facebook de Radio Contact et de David Antoine. J'ai l'impression toujours de parler de moi à la troisième personne. Je suis un peu le Alain Delon de la radio. De la FM. Voilà, exactement. Bon, on est en train de regarder également pour quelques maisons du côté des Ibiza. Ça va être terrible. Excellent. Ouais, vous allez pouvoir venir également. On va pas en parler tout de suite parce que les autres radios écoutent et vont se dire, c'est vrai, on irait peut-être bien bosser chez Radio Contact. Restez chez vous. Hein. Bon, on va maintenant s'intéresser à vos messages. Ouais, on a reçu un message de Lisa qui vient de passer à l'instant à l'antenne et qui dit merci Radio Contact. Elle est plus réveillée par Facebook que au téléphone. Bah, elle vient de prendre sa douche en même temps, donc ça et, merci à toi, David. Trop heureuse, en rêve. Je vous posterai des photos, trop contente. Je vous adore. Je vous écoute tous les jours. Donc voilà. Et tu vas pas poster des photos, tu vas les prendre avec nous. On sera sur place également. Autre et puis, chose. Karen qui dit il est où Thibaut? Est-ce qu'il est en congé ou bien son alimentation très équilibrée a eu raison de lui? Bah, je crois que ça mixe les deux. Je crois que ça mixe les deux. Non, mais Thibaut est absent aujourd'hui. Il reviendra dès lundi en pleine forme, mais il sera présent ce week-end pour les infos. Et puis un message de Karine qui dit salut David, il y a Flemal en fait ce week-end, il y a plein de bonnes choses, on vous y attend, est-ce que vous y serez? Ah ben pourquoi pas, tiens, moi je sais pas quoi faire dimanche, en fait, ça pourrait être pas mal, donc bah voilà, on aura peut-être l'occasion de se déplacer et aller à votre rencontre. Et puis on demande ce que tu as sur ta chemise aussi, est-ce que c'est des bulles de fenouil on nous dit. J'ai reçu cette chemise hein, de Abby and Rose. C'est des pieuvres, non? Ouais, ce sont des petites pieuvres. Ah, c'est rigolo. C'est mignon, c'est mignon. Sympa quand même, hein. Et attention quand on touche, ça pique. On s'approche pas trop près alors. Oui, un message d'Arthur de Rondaine qui nous dit dommage que l'été ne tombe pas un week-end cette année. Ouais. Mais merci de nous mettre du soleil dans les oreilles, Radio Contact. Très bien, n'oubliez pas la crème solaire dans les oreilles aussi. Alors, bien, dans quelques secondes, on aura une nouvelle heure qui va débuter. Mais avant ça, Matmata. Ouais, ce sera un petit souvenir. Les Bretons, Lambéandro. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition.

Ma vie est on fire. City's on fire. Yeah. The town is burning down. L'amour engendre avec une bombe à la place du cœur. Nobody's listening to the sounds of the street. The clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, yeah. Thousands arrested. Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule. Mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire. The city's on fire. The town is burning down. C'est ça, man. There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now. Je vous aime, yeah. Nobody's listening. Personne. 8 million people running, looking for shelter. Yeah. But they got nowhere to go. Is anybody listening? Allez leur dire que ma ville est on fire. Yeah. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Is anybody listening? Rien à faire, ma vie est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Yeah. Is anybody listening? Allez leur crier que ma ville est on fire. Yeah. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Is anybody listening? Rien à faire, ma vie est on fire. Vous écoutez Radio Contact, soyez les bienvenus tout le monde, il est 19h. Radio Contact. 5 Seconds of Summer, en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. We got it. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B, 100% R&B. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté message, Nathan. Oui, on a reçu, on a envoyé, non, en fait, j'en ai pas enregistré là tout de suite. Ouais, j'ai paniqué là d'un coup. Ouais, il a voulu masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Radio Contact. Feel good. Check it out. Hey, this is Taylor Swift. Radio Contact. This is Justin Bieber. Feel good. Hi, this is Adele. Hello from the other side. Right now. Please welcome Chaque samedi, 19h, 20h. Les mix de Contact. Les mix de Contact. Les mix de Contact. Sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je peins des images. Sorti de ma cage, monté d'un étage. Aujourd'hui, je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma brume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma brume me porter. J'entends cette voix qui m'appelle pour pardonner les mots muets. Le temps coule dans le sable. Pour oublier, ne pas plier. J'avance sans savoir où je vais. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. À ceux qui m'écoutent et qui de même sont otages, j'écris pour vous dire courage. À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Mes joies et mes peines. Allez, le week-end est bien lancé, là c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On va vraiment profiter de ce temps pourri. Mais c'est pas grave. Dimanche ça va aller. Hein. Ayez le sourire, dimanche ça va s'arranger. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire vous? Moi j'ai un mariage demain. J'adore les mariages. Donc voilà, je suis ravie. Et mais moi je vais retourner voir mes parents aux alentours de Verviers là. Tu peux voir cool. Comment ça se passe et faire mon linge évidemment. Ah ouais, il y a un gros problème. Oh là là! Gros problème aujourd'hui pour moi et ma machine à laver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, je la mets en route. Bah, vous savez, toujours le même programme. Ma mère m'a dit, tu tournes un quart à gauche, tu appuies sur le bouton pour diminuer la température et tu appuies sur play. Parce que sur ma machine à laver, il faut appuyer sur play. D'accord. Donc j'appuie sur play, je pars prendre ma douche, mm-hmm. Puis j'entends qu'elle n'a pas démarré. Aïe. Oui, je vois que vous me regardez là. Mais va chez la mère de Nathan à Verviers, déposer ton linge. Ouais, bah écoute, je te rends la main avec grand plaisir. Et puis, elle a commencé à couler et fuiter partout. Non. C'était une catastrophe. Heureusement, voilà. Bah voilà. Mais t'as l'habitude des inondations chez toi. Ouais, je sais, c'est catin. Non, sérieusement, je plains celles et ceux qui ont eu les problèmes d'inondation là récemment. C'est vraiment, mais oh là là, c'est un gros problème. Et c'est horrible. Tu peux rien faire avec ça. C'est un élément. Hein. Non, mais c'est les éléments c'est qui se déchaînent. C'est ça que oui, j'ai compris. Ouais, merci de m'avoir compris. On continue avec le replay du Good Morning. Le voici. Le top 3 des auditeurs. Comme El Rissé. Hola, Rissé. Exactement, Rissé, qu'est-ce que tal? Comment estás? Alors, question, est-ce que vous voulez du top 3? Oui. Ah ben, ça tombe bien, attention. Alors, ce matin, dans le top 3, la énième excuse des retards de Marianne. 20 secondes de bonheur, c'est un peu court. Et alors, enfin, vous saurez qui est ce fameux peintre célèbre dont le prénom commence par Pablo. Numéro 3. Numéro 3. Oui, numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. C'est pas tout à fait prêt, donc. La saison se termine et on peut annoncer à Maria qu'elle a officiellement battu aujourd'hui son record d'arrivée tardive sur une saison. C'est vrai? Bravo, on peut la faire. C'est sérieux? Bravo, bravo. C'est bravo. Pas vrai. Alors, qui dit énième retard, dit énième excuse. Et quand on a passé en revue toutes les excuses crédibles, il ne reste plus que le n'importe quoi. Écoutez. Notre invitée, Maria Del Rio, sera là dans un instant. Est-ce qu'elle est loin? Est-ce qu'elle est là, tout près? Allô, allô? Allô? Allô? Ah, voilà! Maria Del Rio, notre invitée mystère du jour. Alors, où est-elle? Je vous appelle depuis la Corée. Et ben voilà. Mais bon. Ouais. On est bon. Numéro 2. Les 20 secondes de bonheur consistent à écouter un morceau de musique qui met le bonheur pendant 20 secondes. Mais visiblement, c'est trop court. Écoutez donc la subtile métaphore de Maria pour le dire. Autant vous dire qu'on a bien besoin de 20 secondes de bonheur. Yes. Ça, c'est les 20 secondes de Maria, ça. On a décidé de chacun choisir sa petite chanson porte-bonheur. Moi, c'est celle-là. C'est bon. Oh, c'est tout? Ah, bah. Ouais, attends, c'était court. On n'a pas eu le temps de venir, si je puis me permettre. On n'a pas eu le temps de venir. Numéro 1. Numéro 1. Et enfin, qui est ce peintre célèbre du XXe siècle, dont le prénom est Pablo, réponse d'un jeune auditeur. Écoutez. Dites, on parlait de Pablo Andrés qui sera là donc à 7h40 avec MC Furieux. Et on a reçu un petit message de Delphine. Ouais. Dit MC, écoute, il y a Delphine qui nous dit quiz avec Mathis, mon fils de 9 ans ce soir. Donc elle nous a envoyé ça hier. Quel célèbre peintre du XXe siècle a pour prénom Pablo? Et il a répondu Pablo Andrés. C'est génial. Bon les amis, je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous lundi, les auditeurs pourront venir vous voir. Oui, absolument. Place Saint-Aubin, à Namur. Comment négocier un super smartphone à prix réduit? Aujourd'hui, le cas de l'accident. Waouh, il est vraiment beau ce nouveau smartphone. Oh, oups, je l'ai fait tomber. Oh, c'est bête. Je peux l'avoir pour moins cher? Passez plutôt à Voomobile, votre smartphone est déjà négocié. Avec un des forfaits Voomobile, profitez du tout nouveau Samsung S7 à 199€ et 1 giga de data en plus par mois. Découvrez toute la gamme dans nos boutiques ou sur voo.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Zlatan aussi est intérimaire. Mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur daoust.be. La bière Gordon présente l'instrument officiel de la Coupe d'Europe, le bière La La La. Gordon, de la bière, pas de l'air. Une bière se déguste avec sagesse. Human rights. Ooh, get by, get by, get by.

got me 10 feet off the ground. Radio Contact. Radio Contact. I love this station. I feel good. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Ne tiens qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, ma peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. On passe, on s'afflige de supplice, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'afflige de supplice, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Il sera bientôt avec nous, Nevy, avec j'écoute du Miles Davis. Bien ce morceau, hein, ouais, il apaise les gens. Voilà, vous avez terminé votre journée, vous faites peut-être les courses en ce moment. Courage, hein, si vous êtes peut-être encore bloqué dans les embouteillages. On est avec vous jusqu'à 20h. Dans un instant, on va parler de votre chien. Ouais, est-ce que vous arrivez de temps, enfin, est-ce que vous dormez de temps en temps avec votre chien? Mais ouais, moi ça m'arrive. Ouais. Mais oui, mais il est tellement mignon, dis franchement. Ouais, mais bon, enfin voilà, c'est agréable, ouais, ok, c'est chaleureux, tout ce que tu veux. Mais il dort pas dans le lit, hein, il dort dans la chambre, juste à côté. Ah oui, ah, tout oui, le temps. Bah ouais, il a son. Mais ça a une odeur. Mais non, parce qu'il prend des douches, donc franchement ouais, ça va. Ça, ouais, bien sûr. Pas tous les jours, mais. Oh, non, non, bien sûr, ouais, donc, pas de soucis. Donc voilà, est-ce que vous dormez avec votre chien Mais tu vas voir que ça a des points positifs. C'est vrai. Ouais, on va découvrir ça. Bon, ça sera dans un instant sur Radio Contact, donc juste après Contact News, restez là. Mika en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Gagnez grâce à Radio Contact. C'est Olivier Gare de la Patate, c'est donc David et Maria qui gagnent. Bravo David!